Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a des nouveaux visages. Puis, juste prévenir, je souhaite bonne chance, premièrement. C'est pas la première fois que je fais ça comme ça en avant, mais c'est pas une habitude non plus, là. Vous allez voir que j'ai tendance à lire un peu mes textes, mais aussi que je manque un petit peu d'inhibition des fois, fait que. Soyez pas étonnés. Je dirai pas tout de suite le sujet de mon partage parce que si on regarde la deuxième diapositive, je vous donne quelques chiffres, puis je vous invite ceux qui n'étaient pas là en mois de mars parce que ce que j'apporte aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un sujet que j'avais abordé. Donc, au mois de mars, ça fait déjà longtemps. Fait que je fais un résumé, puis j'intercale des choses là, pour compléter donc. Fait que quelques chiffres. Dans le Nouveau Testament, il y a 10 fois plus de versets. Là, si vous regardez, il y a 215 versets qui se rapportent à la foi, 218 au salut, 2084 concernent notre sujet, donc 10 fois plus que des versets qui se rapportent à la foi ou au salut. Puis au moins 16 des paraboles de Jésus en parlaient. Dépendant des livres, là, sur Internet, j'étais rendue à 39 paraboles. Un livre parlait de 36, un autre, le plus récent que j'ai lu, parlait de 38. D'ailleurs, je vous avais dit la première fois, j'avais lu Le Veau d'or, que je ne vous recommande pas nécessairement. C'est un livre de vieux de 20 ans. Donc, ça change, tu sais. Je sais pas. Fait que ça, j'ai pris très peu de choses de ce livre-là. J'ai pris un autre livre dont je me souviens plus le titre, là, je l'ai prêté à quelqu'un. Non, je me souviens pas. Mais pour compléter, j'ai lu un livre de Richard Foster, L'argent, le pouvoir, l'argent, le sexe et le pouvoir. Puis un autre livre et avec des DVD, celui-là de Robert Morris. Donc, il y a plusieurs choses de M. Morris, des exemples surtout qui vont revenir. Donc, OK, un des derniers chiffres aussi qui avait aidé, je pense, les gens la première fois à deviner mon sujet, c'est 80% des foyers chrétiens d'Amérique du Nord connaissent des difficultés à cause de ça. Puis, le sujet dont je veux parler est à l'origine de près de 50% des divorces. Non, ce dont je veux parler, c'est l'argent. Sujet un petit peu tabou, mais on essaye quand même. Donc, si Jésus a tant parlé de l'argent, là, dans près de la moitié de ses paraboles, entre autres, c'est pas parce qu'il est après notre argent, évidemment. On sait, Jésus est après notre cœur, c'est notre cœur qui veut. Puis il a simplement vu, justement, que plusieurs considèrent leur argent comme un grand trésor. Puis dans Matthieu 6, 21, c'est marqué: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il veut justement être, lui, notre trésor et non pas l'argent. Évidemment, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est notre attitude envers l'argent et la mauvaise gestion qu'on en fait. On connaît tous le verset dans Timothée 1, 6, 10. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. C'est le trop grand attachement qu'on peut y porter qui est mauvais. Dans la prochaine diapo, dans 1 Timothée 6, 17, oups, pardon. 1 Timothée, oui, 6, 17. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Quand il est question d'argent, on le voit régulièrement dans les journaux. Il y a des gens qui se font tuer pour 10 $ des fois. Il y a des relations qui sont brisées, des familles qui sont en chicane autour des testaments. Donc, l'argent fait ressurgir beaucoup d'émotions, puis souvent des mauvaises émotions. C'est ça, de nos jours, donc on tue, on vole, on détruit des personnes pour de l'argent. Puis des fois, c'est très peu d'argent. Prochaine diapo. Matthieu 6, 24. Personne ne peut, c'est ça, ça c'est le verset un peu le central de tout ce que je veux vous apporter, évidemment, là. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Dans le français courant, dans la Bible en français courant, c'est Mammon est carrément remplacé par l'argent. Mammon, en gros, c'est l'amour de l'argent. C'est pas juste l'argent, c'est surtout l'amour de l'argent, l'avarice, le gain souvent mal acquis. C'est l'esprit, ça c'est intéressant, c'est l'esprit contre lequel Jésus était en colère quand il a chassé les marchands du temple dans Marc 11, la seule fois où on voit un Jésus choqué là. Puis encore là, dans le verset que je viens de dire, c'est pas écrit que c'est mieux pas de servir Dieu et Mammon, que ça va être difficile de servir Dieu et Mammon. C'est écrit que c'est impossible. Donc, je fais un résumé aussi j'avais parlé de 10 symptômes de l'esclavage de l'amour de l'argent. J'en avais parlé plus amplement la première fois, mais là, je fais vraiment des résumés. Donc, un des premiers symptômes de l'esclavage qui montre qu'on est esclave de l'amour de l'argent, ou des fois même juste esclave de l'argent, c'est le souci et l'anxiété qu'on a à propos de l'argent continuellement, là, t'sais. Le riche a peur de perdre ce qu'il a et le pauvre a peur de manquer du nécessaire. Un deuxième symptôme, une mauvaise gestion de l'argent, et ça, c'est un des problèmes qui est à la base, là, de beaucoup de choses, qui apporte aussi une mauvaise conception des fois de Dieu, là, on va le voir plus loin. Donc, un deuxième symptôme, une mauvaise gestion de l'argent. À défaut d'établir un budget, moi-même, j'ai pas de budget, je vous le dis, j'ai pas de budget, mais j'ai une idée, pardon, une bonne idée de ce que j'ai de besoin pour vivre chaque mois. Donc, quand on a une idée de ce qu'on a de besoin, ça nous évite de dépenser de l'argent juste parce qu'il nous en reste dans notre compte. Ça nous permet plutôt d'en mettre de côté. Puis, en haut de mon budget ou même en haut de notre liste de ce qu'on a à payer, devrait figurer la dîme. Un des auteurs, d'ailleurs, disait, donner la dîme se fait avant même de voir si nous en aurons assez. Un troisième symptôme, un manque permanent d'argent pour arriver à la fin du mois. Dieu a fait de moi un gérant de ce qu'il me donne. Le problème, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas notre revenu, mais c'est notre gestion des dépenses, comme je le disais tantôt. Il faut pas croire d'ailleurs que si on avait plus d'argent, tous nos problèmes financiers seraient réglés. Si on a un problème de gestion avec peu d'argent, les chances sont qu'on va avoir un problème de gestion avec plus d'argent. Un quatrième symptôme, celui-là m'avait étonné, la mentalité, je ne peux pas me le permettre. Ça, c'est quand on fait trop attention à toutes nos dépenses. Puis quand on s'arrête et qu'on y pense bien, agir comme ça, c'est montrer qu'on focus encore plus sur l'argent que sur Dieu. Un peu comme Séraphin. Quand je dis tout le temps, je ne peux pas me le permettre, c'est oui, ben c'est ça. Ça, ce que je vais dire, là, c'est bon pour un paquet de choses. Pas juste pour l'argent, mais quand on s'en fait, quand on est inquiet, s'en faire, c'est une façon qu'on a de figurer comment Dieu va prendre soin de nous. Vous penserez à ça ce soir en vous couchant, là. Un cinquième symptôme qui rejoint un petit peu celui dont je viens de parler, là, la pingrerie, le fait de ne pas aimer dépenser son argent qui est motivé par la peur de ne pas en avoir assez pour satisfaire nos besoins. Puis la peur d'apporter notre dîme est souvent un bon exemple de pingrerie. Un sixième symptôme, les achats impulsifs. Ça, je pense, ça rejoint un peu plus de gens, là. L'incapacité à résister au désir d'acheter. Plein de personnes, plein d'entre nous, on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin, simplement aussi parce qu'elles sont pas chères. Puis la société dans laquelle on vit aussi entraîne ça, là, génère ça, le besoin, là, d'avoir des choses. Il génère le besoin. Il y a des choses qu'on n'en a pas besoin, mais la publicité génère le besoin. Puis des fois, moi-même, j'ai remarqué que des fois, je fais des achats impulsifs pour un peu épater la galerie. Quand je ne suis pas toute seule, là, je veux pas m'étendre là-dessus, là, mais j'ai remarqué ça en me préparant, là, pour ce partage-là. Un septième symptôme, l'avidité, évidemment. Ça, c'est le désir d'en avoir plus. C'est pas la même chose que la convoitise. C'est le désir de toujours en avoir plus. Quand on regarde les millionnaires qui veulent toujours avoir 1 million de plus, là, mon Dieu, à quoi ça va servir, tu sais? Donc, c'est pas la convoitise qui est le désir, qui est le désir, désirer quelque chose qu'on n'a pas. Pardon. L'insatisfaction, prochaine diapo, dans Philippiens, Paul qui dit « Je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. » Donc, Paul savait comment vivre dans toute situation, et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas Mammon qui lui a montré ça. Un neuvième symptôme, être esclave de ses dettes. Être esclave des dettes, pardon. On vit encore une fois dans une société qui encourage ça, là. C'est normal, les dettes. Rien d'extraordinaire là-dedans. Mais en tant que chrétien, je pense, un des auteurs le disait, mais je suis d'accord, on doit tout faire pour sortir et rester en dehors de ce système. Un dixième symptôme, une surestimation du véritable pouvoir d'argent. Ça, c'est quand, on est impressionné par les gens qui ont beaucoup d'argent. Et quand nous ne cessons d'essayer, oui, j'ai ça, de trouver des moyens d'en gagner plus. Tu sais, on est toujours en train de penser, là, essayer de trouver d'autres façons de faire une petite pièce là, par-ci, par-là. Pourtant, le plan de Dieu, c'est pas que l'argent... C'est que l'argent de Dieu court après nous et c'est pas à nous de courir après l'argent. Prochaine diapo dans Matthieu. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler, oui. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Voyez-vous pourquoi on ne devrait jamais faire confiance aux richesses terrestres? Parce qu'elles sont corruptibles et jamais totalement sûres. Vous voyez, quand il y a des crashs boursiers, par exemple, ou quand la bourse perd beaucoup de points, il y a des gens encore récemment, avec ce qui s'est passé l'année dernière, qui devaient prendre leur retraite d'ici 2-3 ans, finalement, ça va être d'ici 4, 5, 6 ans à cause de ce qu'ils ont perdu. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas faire d'investissement? Non. C'est surtout le fait de considérer ces investissements comme un trésor qui est mauvais. On va parler de quelques usages bibliques de l'argent. Prochaine diapo. Le verset, une de mes histoires préférées de toute la Bible. Je trouve que c'est une histoire coup de poing. Dans Marc 12, donc. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Quel bel exemple pour nous. Donc, quelques usages bibliques de l'argent. En premier, évidemment, vous ne serez pas étonnés, on va parler de la dîme. Donc, la dîme, c'est quoi? La dîme vient d'un mot hébreu qui littéralement veut dire 10%. Puis là, j'avais dit la dernière fois, et c'est une des rares fois où je me commets, là, je pense qu'en général, je dis des choses générales, là, tu sais, je dis des concepts. Là. Je me commets très peu, mais là, une des rares fois où je vais me commettre, c'est que pour moi, 10%, c'est un minimum. Vous faites ce que vous voulez avec ça, évidemment, là. Il y a autre chose aussi que j'aimerais dire, mais je pense que je vais laisser faire. S'il y en a qui veulent me le demander après, je pourrais vous le dire. La dîme, pourquoi? La dîme, premièrement, ce n'est pas une loi arbitraire de Dieu. On n'est pas obligé de donner, mais c'est un principe fondamental. Donner la dîme nous aidera, entre autres, à établir une discipline financière dans notre vie. Donner la dîme, de toute façon, on la donne parce que ça appartient à Dieu. En demandant la dîme, Dieu veut aussi engendrer dans notre cœur la foi du moineau. Prochaine diapositive, juste pour vous amuser. J'ai trouvé une diapo d'un beau moineau. Même un moineau, c'est cute. On connaît le chant. Le chant et les versets qui disent « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. » Donc, la foi du moineau sait qu'elle n'a pas à travailler, pas pour gagner de l'argent. Il faut travailler pour gagner de l'argent, là. Mais La foi du mono sait qu'elle n'a pas à travailler pour recevoir la grâce de Dieu. D'ailleurs, là, je vais dire une phrase que je veux que vous reteniez, parce que si je ne dis pas ça, vous allez penser que si vous donnez, Dieu va s'occuper, là, l'argent va quasiment pousser dans les arbres, là, puis vraiment, c'est pas ça que je veux dire. La foi du moineau, c'est celle qui sait que quand on fait ce qui relève du naturel, Dieu va s'occuper du surnaturel. La foi du moineau, c'est celle qui sait que Jésus est sorti vivant du tombeau. C'est celle qui sait qu'il est capable d'arrêter le soleil pendant une bataille ou de faire un chemin dans la mer Rouge, etc., etc. La dîme, comment? Dans la prochaine diapositive, 2 Corinthiens 9. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme on est content de recevoir de l'argent, des fois on a un cadeau, des fois on a un héritage, des fois on arrive à la maison, il y a un chèque non prévu dans la poste ou un chèque qu'on avait un peu oublié, là. Comme on est content de recevoir de l'argent, on devrait aussi être content de redonner l'argent à Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait la plupart des chrétiens, on le voit, vendaient ce qu'ils possédaient, puis ils mettaient tout ça en commun. Évidemment, juste vous rassurer tout de suite, il ne semble pas que ce soit une pratique qui était imposée à tous. D'ailleurs, tous les disciples de Jésus n'étaient pas pauvres. On n'a qu'à penser à Joseph d'Arimathée, par exemple. Mais le but, de toute façon, ce n'est pas d'imiter la pauvreté de Jésus, mais plutôt de suivre son exemple d'amour et d'abnégation. Un deuxième usage biblique de l'argent, pour notre consommation personnelle, évidemment. Est-ce qu'il est légitime, moi j'avais posé cette question-là, est-ce qu'il est légitime pour le chrétien de dépenser de l'argent pour une chose qu'il désire, mais qui n'est pas une nécessité, alors que des millions de personnes dans d'autres parties du monde meurent de faim? Ça, vous pourrez y réfléchir, mais une des réponses que je souhaite vous donner, là, entre autres, c'est que Dieu met aussi sa joie et son plaisir à donner à ses enfants les choses qu'il désire, comme vous éprouvez de la joie à le faire pour vos enfants. L'important, ce n'est pas vraiment ce que nous possédons. L'important, c'est que ces choses-là ne nous possèdent pas. Il y a Manon qui... Je vois que Manon s'en va, là. Manon, je t'ai posé une question au début, là. Dans ta grande libéralité, là, toi qui es libéral, je sais que tu as de l'argent dans tes poches parce que je t'ai vu sortir du guichet automatique tantôt, je t'ai vu mettre de l'argent dans tes poches. Combien est-ce que tu as d'argent dans tes poches? 80. Est-ce que tu accepterais de me donner ton 80$? Pas de me le prêter ou de me le donner. OK. Ben merci beaucoup. Oui, je vois qu'il y en a qui sont étonnés. Je vais mettre ça dans ma sacoche. Là, attendez un petit peu. OK. Je mettrai ça dans mon portefeuille plus tard. Ben merci beaucoup, Manon. Je vais pouvoir mettre du beurre de peanut sur mes toasts d'ici la fin du mois. Fait que là, tu peux t'en aller. C'est beau. Où est-ce que j'en étais, là? Troisième usage biblique de la Bible, accroître les fruits de la justice. Est-ce que je l'ai dit, en tout cas? Utiliser l'argent pour construire des relations en aidant quelqu'un ou quelques-uns à sortir de ses problèmes financiers. Et le quatrième usage biblique qui complète le troisième, être généreux, être libéral avec son argent. La générosité consiste, entre autres, à avoir de l'argent disponible pour bénir ceux qui nous entourent. Comment ça se fait qu'on a tant de misère à donner de l'argent, soit en offrande ou en mission? C'est parce que quand on la donne, cet argent-là, on voit ça comme une perte ou un manque. Là, je vous ai sorti une phrase, prochaine diapo. Pourtant, donner, c'est un acte de combat spirituel par lequel nous proclamons que l'argent n'a pas de pouvoir sur nous. Rappelez-vous de ça. C'est libérateur donner de l'argent, bref. En tant que bon gestionnaire de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Trois choses, entre autres. Se libérer des dettes, ne jamais manipuler les autres, et évidemment, donner. Donc, se libérer des dettes. Un truc parmi tant d'autres. Pour se sortir des dettes, n'acheter que le strict nécessaire pour un temps. Et c'est faisable. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est faisable. Moi-même, j'ai souvent été obligée de le faire. C'est pas la fin du monde. C'est faisable. Puis vous voyez, aujourd'hui, ça va très bien, là. Donc, acheter que le strict nécessaire pour un temps. Éviter les achats impulsifs, comme je le disais. Un truc que je veux vous donner, attendre quand quelque chose nous fatigue, là, quand on a le goût d'acheter quelque chose qu'on n'a peut-être pas vraiment besoin. On peut attendre. Puis là, j'ai ressorti ma diapo, prochaine diapo. J'ai ressorti ma diapo qui avait eu tant de succès la dernière fois. Comme on le voit sur la diapositive, ça vaut la peine d'attendre des fois. Puis en plus, quand on attend comme ça une nuit, quelques jours, ça va nous arriver d'oublier. Puis au bout de quelques mois, quand on va s'en rappeler, on va se dire, mais là, franchement, coudonc, ça fait 3 mois que je vis sans, je dois être correct, t'sais. Un autre truc aussi. Quand on a en plus d'attente, c'est qu'on devrait même, incroyable, prier pour. Parce que des fois, c'est en priant qu'on se rend compte que bon, tout ce qu'on est en train de demander n'a vraiment pas de bon sens. Donc, pour se libérer des dettes, là, comme je le disais tantôt, c'est la norme, être endetté. Mais ce n'est pas juste les dettes, c'est surtout les intérêts qui viennent avec. Une autre question, est-ce que je suis en train de dire qu'il est mauvais d'emprunter? Non. Mais ça peut être déraisonnable. N'oublions pas que nous risquons de léguer notre façon de dealer avec l'argent. On risque de léguer ça à nos enfants. Donc, si nos enfants nous voient dans le rouge à tout bout de champ, nous voient en train de servir de 3 cartes de crédit pour en rembourser une, puis à tout ça, pour eux autres, ça va être la norme. Fait que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à dealer avec l'argent. C'est ça, nos enfants vont probablement nous imiter parce qu'ils n'auront pas connu d'autres voies et que pour eux, ça sera normal. Albert Schweitzer, un théologien, musicien, philosophe et médecin, prix Nobel de la paix en 1952, a déjà dit: Il n'y a que trois manières d'enseigner à nos enfants. La première, c'est par l'exemple. La seconde, par l'exemple. Et la troisième, par l'exemple. Rappelons-nous donc que notre rapport avec l'argent influencera nos enfants. Ils vont voir et auront tendance à imiter ce même rapport. Que ce soit la. Mais ça peut être ça. Ça peut être la libéralité aussi. S'ils nous voient généreux, ils vont développer ça aussi. Une autre façon de se. Ben, un autre point par rapport aux dettes. Un point que j'aime beaucoup, là. Il faut toujours payer nos dettes. Puis quand on prête de l'argent à quelqu'un, évitons de dire, tu sais, souvent entre amis, on va dire, ah, tu me le remettras quand tu pourras. Parce que pas dire ça, on se sent cheap, tu sais. Établir un plan, on se sent cheap. Pourtant, c'est mieux de faire ça. Il ne faut pas hésiter à établir un plan de remboursement pour éviter les tensions. Parce qu'en plus de créer des tensions, retarder le remboursement des dettes ou de ne pas avoir de plan fera en sorte qu'on sera préoccupé. Sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, celui qui attend l'argent, il va peut-être s'énerver parce que ça ne rentre pas aussi vite qu'il pense. Puis celui qui doit l'argent, il va être préoccupé par ce qu'il doit, puis parce qu'il ne l'a pas encore fait, puis il faut qu'il le fasse. Puis... Fait qu'il faut se libérer de ça. Une autre affaire aussi que j'aime beaucoup, c'est quand on doit de l'argent à quelqu'un. À moins d'avoir emprunté pour cette raison-là, mais quand on doit de l'argent à quelqu'un, évitons de faire un voyage qui va nous coûter 6 000 piastres, ou comme j'avais dit à ce moment-là, ou de s'acheter une Mini Cooper. L'argent doit servir à créer des liens et non à les défaire. Donc, quand on doit de l'argent, débarrassons-nous de nos dettes premièrement, puis après, achetons-nous une Mini Cooper si on a l'argent pour. Numéro 2, ne pas manipuler les gens. Un peu comme j'ai fait avec Manon tantôt, j'y ai demandé directement de l'argent. Aussi en tant qu'Église, ne manipulons pas les gens quand on a des besoins. Tu sais, les petits indices des fois qu'on laisse là pour que les gens peut-être nous offrent de. Non. Quand on a besoin de l'argent, c'est aussi bien de le demander directement, de faire un plan comme je viens de le parler. On exprime clairement nos besoins. On refuse de tirer avantage de mon prochain quand je prête de l'argent ou quand j'emprunte, oui. En tant que chrétien, notre parole devrait être aussi bonne que notre promesse. Mais de nos jours, les contrats nous servent à éviter de tirer profit de notre prochain et les contrats vont nous éviter d'être abusés. Ça évite aussi les malentendus. Quand on donne, donnons sans chercher le pouvoir. Troisième chose à faire en tant que bon gestionnaire, donner avec trois points d'exclamation. Monsieur Morris, dans son livre, parle du principe d'obéissance immédiate. Donc, lui, il appelle ça OI. IO en anglais, là, mais OI en français. Obéissance immédiate. Donc, contrairement aux achats impulsifs dont je parlais tantôt, le fait de trop attendre peut nous donner des excuses. On va avoir le temps de se trouver des excuses. On va peut-être oublier aussi. Tu sais, quand on voit un besoin, là, je parle. C'est ça. Monsieur Morris, là, ça, c'est assez incroyable. Lui et sa femme ont déjà donné une quinzaine d'autos. Tu sais, il y avait une auto, là, puis il voyait quelqu'un dans le besoin, puis il sentait que Dieu, il disait d'y refiler son auto. Fait que lui et sa femme, ils refilaient l'auto, là, malgré le fait qu'ils en avaient besoin. Quelqu'un arrivait, puis il leur donnait une auto encore meilleure que celle qu'il venait de donner. Quelques mois plus tard, encore, il sentait que Dieu lui disait, ben donne ton auto à un tel, il en a de besoin. Fait que Robert Morris lui donnait. Puis quelques jours plus tard, une autre auto encore meilleure arrivait. Comme ça, ils ont donné une quinzaine d'autos. Ils ont déjà donné leur maison. Ils ont déjà donné toutes leurs économies. Puis pourtant, ils n'ont jamais manqué de rien. Comme il disait, il n'y a pas... Je ne sais pas c'est pourquoi le mot en français, mais le mot en anglais, « outgiving », c'est impossible de « outgiving » Dieu. On ne peut jamais donner plus que ce que Dieu a en réserve pour nous. Dieu veut qu'on soit des rivières, pour cette raison-là, là. Étant donné qu'il y a tellement de choses en réserve pour nous, Dieu veut que nous soyons des rivières, mais pas, et non pas des réservoirs où l'eau s'accumule et stagne, avec plein de bébites dedans, là. En bon gérant, avant, une autre chose aussi à faire, c'est ça, en bon gérant, avant de donner à des organismes, par exemple, des missions ou des organismes, n'hésitons pas à poser des questions. Tu sais, juste s'assurer que 95% de notre argent n'ira pas au gestionnaire, là, mais qu'il va bien aller aux gens qui en ont besoin. Même chose quand on donne à une personne, on doit se demander, est-ce que ça va être utile ou nuisible? Est-ce que la personne a un semblant de budget, là, fait des efforts pour s'en sortir? C'est ça. Prochaine diapo, une autre petite phrase que je vous ai sortie. Quand nous donnons de l'argent, nous lâchons un peu de notre égocentrisme et de notre fausse sécurité. L'argent veut nous faire croire, hein? Maman veut nous faire croire qu'on va être sécuritaire dans l'argent, on va être sécure, pardon, dans l'argent, avec l'argent, puis c'est pas vrai. Notre sécurité, c'est Jésus. Donc, on va parler, je sais que c'est pas correct, mais moi j'aime ça parler du monde dans leur dos. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu vrai, là, mais j'essaie d'éviter. On va parler de Mammon, celui-ci. Maintenant, pardon. Mammon est vraiment présenté comme un rival à Dieu. C'est pas juste un concept comme ça, là, intemporel. Souvenons-nous, dans Apocalypse 13, 17, personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, là. Hey, ça, moi, ce verset-là, ça m'énervait avant. Mais non, maintenant, là, ça va beaucoup mieux, là. Mais maintenant, ce qui m'énerve, c'est plus de manquer l'eau. Après toutes les vidéos que je reçois depuis quelques temps, puis le film Home que je viens d'écouter, d'ailleurs, j'ai plus peur de manquer d'eau que de manquer d'argent. Mammon se cherche des esclaves, des servants. Il nous promet plein de choses, mais ne livre jamais la marchandise. Il nous promet la sécurité, l'identité, l'indépendance, la puissance et la liberté. Il nous promet d'être la solution à tous nos problèmes. Mammon veut nous faire croire que si nous avons les bonnes cartes de crédit en or, là, pas en or, mais les cartes de crédit or, les beaux vêtements, la belle auto, que si nous vivons dans un beau quartier, nous serons heureux et comblés. Il va même nous dire que... Ah oui, plus subtilement. Il va même nous dire que si nous avions plus d'argent, nous pourrions aider plus de gens. Pourtant, Jésus n'a jamais dit qu'on avait besoin de plein d'argent pour commencer à aider les autres et à donner. L'argent n'est jamais la réponse. De toute façon, on l'a vu dans le verset que j'ai lu tantôt sur la veuve pauvre. Mammon nous dit « prends » alors que Dieu nous dit « donne ». Mammon est égoïste alors que Dieu est généreux. On permet à Mammon de nous dicter quoi faire avec notre argent et même avec notre manque d'argent. Laissons Dieu nous diriger plutôt. En gros, donc, Mammon a pour objectif que nous accordions une valeur sacrée à l'argent. Il veut que nous considérions l'argent comme la source de notre bien-être. Il veut que nous aimions l'argent au lieu d'aimer Dieu et que nous craignions de manquer d'argent au lieu de craindre Dieu. Quelles sont l'influence subtile de Mammon, c'est ça? Une des influences subtiles de Mammon, quand on donne, il y a plein de chrétiens, mais surtout des leaders, insistent sur le fait que Dieu va nous donner en retour. Il y en a même un, à un moment donné, là, ça a été le clou dans le tombeau, là, déjà je commençais à décrocher, mais il s'est mis à voir un invité qui revenait, là, puis lui, il nous promettait que tout ce qu'on va donner là, à ce ministère-là, Dieu nous donnerait 7 fois le montant qu'on aurait donné. Ça, c'est incroyable. Hey, j'ai marqué, oubliez ça, là. Toute façon, c'est pas le but de donner. Le but de donner, c'est d'imiter Dieu, d'être libéral, de faire du bien autour de nous. Le but de donner, c'est pas en espérant que Dieu nous donne 7 fois ou 6 fois ou peu importe ce que nous avons donné, oui. Attention! Prochaine diapo. La phrase cliché de l'avant-midi. Jésus lui-même a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Une chose est certaine, ce qu'on donne à Dieu ou au nom de Dieu ne sera jamais perdu. On risque de voir, quand on donne, on risque, imaginez le risque, de voir le royaume de Dieu progresser, grandir, les ministères, les missions avancer. Par contre, ce qu'on refuse de donner va être perdu. C'est ça, malgré le fait que j'aime pas dire que Dieu nous rendra ce qu'on a donné, même souvent plus, le livre de M. Morris regorge d'exemples où Dieu lui rendait exactement 10 fois ce que lui et sa femme donnaient. Puis c'était vraiment 10 fois, là, à la scène près. C'est ça, moi, je pense pas comme ça. Je pense que Dieu peut certainement le faire, mais je ne suis pas certaine qu'il travaille comme ça. De toute façon, je l'ai dit que ce n'était pas ça le but. Puis une chose est sûre, en tout cas, je pense qu'on n'a pas d'affaire à exiger ça de Dieu. Mais ceux qui pensent comme ça, rappelez-vous, en tout cas, que seulement ce qui est donné peut être multiplié. Le point, de toute façon, ce n'est pas de donner en espérant recevoir, comme je le disais tantôt, mais d'imiter Dieu dans sa générosité. Il nous arrive aussi de donner parce qu'on se sent obligé de le faire et on a, à ce moment-là, souvent l'impression d'avoir perdu quelque chose. Justement, tantôt, l'argent que Manon m'a donné, évidemment, c'est pas de l'argent qu'elle m'a donné comme ça de ses poches, c'était de l'argent qu'elle me devait de toute façon. Fait que vous voyez, c'est pas de l'argent qu'elle a perdu comme tel, là, c'est de l'argent qu'elle me devait de toute façon. Fait qu'il faut voir l'argent que nous donnons à Dieu comme le sien à prime abord et avoir autant de facilité à lui redonner que Manon en a eu tantôt à m'a donné. Selon les statistiques, les chrétiens, c'était des chiffres des États-Unis, mais j'imagine que ça doit se ressembler ici. Les chrétiens des États-Unis donnent entre 1,7-1,8% de leurs revenus. On est loin du 10%, mais imaginez tout ce qu'on pourrait faire si chacun de nous donnait le 10%. L'impact que nous aurions autour de nous. C'est ça, je ne suis pas le style à dire que ce qu'on va donner, Dieu va nous le redonner en retour 7 fois. Par contre, je suis plus du genre à penser que si on est fidèle dans la gérance de notre argent, Dieu n'hésitera pas à nous en donner plus. Par exemple, Robert Morris compte une histoire. Je vais la changer un petit peu. Il parlait de sa femme. Moi, je vais plutôt parler... Mettons que Robert Morris a 3 enfants, je pense. Mettons un de ses enfants qui n'est pas encore majeur. Puis, il demande à 3 de ses amis... il donne 10 000 $ par mois à 3 de ses amis. Donc, 30 000 $ quand même. Puis, il demande à chacun, tu donneras 1 000 $ à mon enfant. Puis, tu gardes le reste. Fait que donc, il donne 10 000 $ au premier, 10 000 au deuxième, 10 000 au troisième. Par mois, chacun doit donner 1 000 $ à l'enfant de Robert Morris. En fait, là, l'histoire, c'était à sa femme. Non, plutôt y aller avec sa femme. Fait qu'au bout de 3-4 mois, Robert Morris appelle sa femme, puis il demande, il dit, puis, ben, elle dit que le premier lui remet effectivement 1 000 $ chaque mois. Fidèlement, là. Le deuxième, pour une raison qu'elle ignore, lui donne au moins 2 000 $ par mois, donc plus que ce que Robert Morris a demandé. Puis elle sait pas pourquoi. Le troisième, par contre, lui, il a donné 800 $ le premier mois, 300 le deuxième, puis depuis ce temps-là, elle n'a plus rien de cet homme-là. Donc, Robert Morris, qu'est-ce qu'il va faire si c'était nous? À qui on va donner, continuer à donner de l'argent, puis à qui on n'hésitera pas même à en donner encore plus? Fait que je trouve que c'était une belle image pour dire un peu comment Dieu voit peut-être les choses, t'sais. Puis à qui Robert Morris va arrêter de donner? Évidemment, je ne donne pas les réponses, là, si c'est clair. Comment développer un cœur libéral? Être libéral, c'est être généreux et libre avec nos possessions. Robert Morris dit souvent qu'il est né égoïste. Ça, je pense que tout le monde peut dire ça. On est né égoïste, mais qu'on est né de nouveau généreux. Puis c'est possible en se laissant changer. Martin Luther aurait déjà dit qu'il y avait trois conversions nécessaires. La conversion du cœur, celle de la pensée et celle du porte-monnaie. Imaginez, Martin Luther, c'était quoi, 1500, quelque chose, déjà là, tu sais. Prochaine diapo. Dans Romains, c'est sûr, un des indices comme quoi il faut se laisser changer. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Tout de suite après, une autre diapo dans Deutéronome. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libéré. Rappelons-nous d'où on vient. Puis lorsqu'on se souvient d'où on vient, et aussi d'où on s'en va, notre réaction devrait être la reconnaissance, et la reconnaissance nous pousse à être généreux. À la limite, le montant, comme la vieille, la pauvre veuve de tantôt, pardon, la veuve pauvre, c'est pas le montant qui est important, c'est ce qui nous motive à donner. Le fait que Dieu bénit ceux qui donnent doit pas être une motivation pour nous, je l'ai dit tantôt, mais plutôt une libération de la crainte de manquer de quelque chose. Quand on sait qu'est-ce que Dieu a pour nous, on devrait se sentir libéré de la crainte de manquer de quelque chose. Et le fait de donner fera déguerpir le vieil avare en nous. Des fois, on a l'impression aussi que Dieu nous punit quand on manque d'argent. C'est-à-dire, quand on manque d'argent, on a l'impression que c'est une punition de Dieu. Mais souvent, rappelez-vous que c'est juste une question d'arithmétique. Quand ce qui sort de notre porte-monnaie excède ce qui rentre, il va y avoir des problèmes. C'est pas parce que c'est pas Dieu qui nous punit, c'est juste une mauvaise gestion. Là, je vais parler du vœu de simplicité. Oh, que ça fait vieux, hein, le vœu de simplicité, mais c'est parce qu'on associe ça à autre chose, là, c'est ne pas confondre avec dépouillement. La simplicité, c'est le contentement et la confiance, comme dans Philippiens qui dit « ne vous inquiétez de rien ». La simplicité, c'est être délivré de la convoitise. La simplicité, c'est recevoir avec reconnaissance ce qui pourvoit à nos besoins matériels. On se réjouit plus facilement de ce que la grâce et l'amour de Dieu nous offrent. La simplicité va nous porter aussi à se réjouir plus facilement en général. Oscar Wilde a déjà dit « Les gens n'apprécient pas les couchers de soleil parce qu'ils ne paient pas pour, imaginez. » La simplicité va nous permettre d'utiliser l'argent sans en abuser. Puis la simplicité va nous rendre disponibles à tout point de vue, à tout plein de points de vue. L'argent doit être capturé, assujetti et utilisé pour atteindre de grands objectifs. On est appelé à utiliser l'argent pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est-tu assez moche d'utiliser notre argent de manière ordinaire sans que ça aille plus loin? En conclusion, je veux juste vous rappeler ce qu'on a vu. On vient de voir que la dîme est un principe fondamental, qu'on est gérant de l'argent de Dieu, que l'argent que Dieu nous confie. On a vu l'importance d'avoir la foi du moineau. On a vu l'importance de savoir combien on a besoin pour vivre chaque mois. Idéalement, c'est avoir un budget, mais au moins avoir une idée. On a vu aussi que maman avait une influence certaine sur nous. Puis on a vu aussi quelques bienfaits d'avoir un cœur libéral et généreux. Rappelons-nous surtout que quand on a Dieu comme trésor, on a tout en lui et que le monde et ce qu'il contient finiront par passer. John Wesley a déjà dit, écoutez bien, gagnez tout ce que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. Puis je terminerai avec ceux qui se demandent, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puis avec qui, à qui je donne? Puis dans la prochaine diapo, donc, dans Jacques. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Donc, n'hésitons pas à demander à Dieu comment gérer notre argent. Faisons attention, soyons sensibles aux gens qui sont autour de nous, aux besoins qui sont autour de nous. Alors, c'est tout. Merci beaucoup.